Cependant, dans le fournil, Casimir boit une tasse de café avec un plaisir évident. Miette, la grosse paysanne qui venait chercher son pain, est en face de lui. Tu crois qu'il en fera avant midi? Oui, ma belle. J'y donnerai un coup de main, même s'il en a besoin. Aurélie. Aurélie. Aurélie. Le boulanger entre souriant, mais inquiet. Aurélie. Ça, c'est drôle. Ma femme m'a fait une blague. Non. Oui. Elle s'est cachée. Mais où? J'en sais rien. À 2 heures du matin, je l'ai laissée dans le lit et maintenant je ne trouve plus que le traversaire, elle n'est plus là. Ça quand même, c'est un peu drôle. Miette montre le trousseau de clés sur le comptoir. Mais ces clés, qu'est-ce que c'est? C'est son trousseau. Ah, je sais où elle a été. Oui, elle a été au jardin. Oui, elle a été... Elle n'avait pas encore vu le jardin. Alors, elle est sortie, sans me réveiller, et elle a laissé ses clés, parce que si j'avais quelque chose à prendre dans l'armoire ou dans la commode, elle a été au jardin, parce qu'elle aime beaucoup le jardin, oui, oui. Mais dites, voisine, regardez-moi un peu le magasin pendant 5 minutes, et je reviens avec elle. C'est ça. Et où tu crois qu'elle est allée? Ah, moi, je ne veux pas me dire de mal. Mais avec ce rouge, là, et cette poudre, elle a un peu l'air d'une créature. Et en 4 jours, elle a peut-être déjà trouvé un gars. Mon Dieu! Pourvu que mon mari soit bien allé à la chasse! Ah, vaille, mais ne t'inquiète pas de ton mari, c'est pas ce genre-là qu'il lui faut! Et non, non! Elle a peut-être trouvé quelque bel homme dans le genre de Patrice. Ou alors peut-être de ce coquin de marquis. Ah, vaille, va, vaille! Je serai pas surpris, tu sais, quand elle reviendra, si elle a de la paille dans le dos.